Et ce qui est important pour vous autres, c'est de comprendre votre frustration. Puis pas vous occuper de la frustration des autres. Parce que ça, ça fait partie de la simplicité. Si tu commences à t'occuper de la frustration de ta belle-mère, t'es fini. Que la vie, la sienne. Voilà. On a déjà parlé de ça. Ça revient tout, parce que ce que je vous dis, c'est bien consistant. Si vous ramenez ça à d'autres choses, ça fait comme un puzzle. On doit comprendre tout en nous autres ce qui nous fait souffrir. Tout. Donc, il peut avoir de la colère dans la frustration. Ouais. C'est normal qu'il y ait de la colère dans la frustration. Mais il faut que tu saches que la colère est dirigée dans ton esprit en relation avec les autres. Pas envers toi-même. Faut jamais que l'homme se fâche contre lui. Parce que se fâcher contre lui-même, c'est une frustration psychologique. Si tu te fâches contre toi-même, ça n'a absolument rien. Ça va absolument rien, c'est une perte d'énergie. Mais si tu te fâches contre l'homme, là, à ce moment-là, il y a un travail qui se fait en dedans, parce qu'il y a une descente de volonté en toi qui se fait. Mais si tu te fâches contre toi-même, tu ne descendras pas de la volonté, tu vas créer une fausse détermination. Puis la détermination et la volonté, c'est pas la même chose. La détermination, c'est de l'ego. C'est lié au corps de désir, de l'ego. La volonté, ça appartient pas à l'ego. C'est l'énergie qui descend dans l'ego et qui le fait agir. C'est deux paires de membres. C'est pour ça que l'homme n'a pas de volonté. Il y a beaucoup de détermination, mais il n'y a pas de volonté. La volonté appartient pas à l'ego. La détermination, ça appartient à l'ego. Tu sais, quand la fille, elle dit, « Je suis déterminé, moi, il parle à mon boss lundi matin. » Arrive au bureau, par chambre, son boss, il dit, « Bonjour, comment ça va? » Sa volonté vient de tomber en terre. Elle n'a plus de détermination. Mais quand t'es en vibration volontaire, par exemple, t'arrives au bureau lundi matin, tu y penses pas que tu vas parler à ton boss. Mais il est mieux s'il est pas dans son trou que la vibration passe, t'inquiète pas que tu vas y parler. Ça, c'est la volonté. Puis là, ton ego est obligé de charrier cette vibration-là. Il devient le canal de cette vibration-là. Non, mais à ce moment-là, tu pratiques, le mouvement de la colère en toi, là. Non, quand t'es en vibration de la volonté, t'es jamais en colère. Tu peux apparaître à l'observateur comme étant en colère, t'es jamais en colère. Parce qu'être en colère, c'est psychologique, c'est subjectif. Donc, ta grande patience. Ta grande patience est toujours en relation avec ce que tu dois faire. Et non avec ce que tu veux faire. La patience est toujours déterminée en relation de l'âme et de ton ego. Si ton âme, si l'âme veut que tu crées un choc, elle va te faire passer une vibration. Mais ton ego devient le canal de cette vibration-là. Puis veut, veut pas, elle va passer. Et si t'es pas conscient de l'âme, à ce moment-là, ce que tu vas vivre, c'est une colère psychologique. Puis y'a rien de créatif là-dedans. Absolument rien de créatif. Ça peut créer bien, ça peut casser bien des faux, mais y'a rien de créatif. La colère ne doit pas appartenir à l'ego. Comme ça, la sainte colère du Christ, il a chassé les vendeurs du temps. Elle appartenait pas à son ego. Fait qu'ils ont sorti en maudit. C'est vrai. C'est ça. C'est pour ça qu'il appelle la sainte colère. Ah. The wrath. Là, ça passe, John. La frustration, c'est tellement occulte que c'est au fur et à mesure qu'on la vit vibratoirement qu'on en connaît la profondeur. Puis dans la frustration, il y a ce qu'on appelle le temps. Il devient de la patience. Qui devient de la patience une fois qu'il est détruit? La frustration vibratoire vous rend conscient du temps, vous amène à la destruction du temps psychologique qui résulte dans l'état de patience. C'est très profond. Des racines de la frustration vibratoire, c'est extraordinaire. Je pourrais faire un livre avec ça. Tant que c'est complexe, pis c'est simple. Mais parce que ça touche à tout de la vie. Il y a rien qui est aussi généralisé dans la vie de l'homme, dans l'existence de l'homme que la frustration. Le seul temps que l'homme est pas frustré, c'est quand il dort. Tiens, non. C'est vrai. Non, il est pas frustré. L'ego pas là. La preuve, c'est qu'il y a des rêves nocturnes. Puis le jour où ça marche pas, ça fait l'air. Il est libre. De la frustration. Moi, je n'ai vécu qu'une belle expérience. D'une frustration. Puis c'était assez fort, il fallait passer à travers un mur. Je doutais de rien, j'étais rien que là. Puis je marchais. Parce qu'il vient d'avoir marché. Combien de temps je ne sais pas bien, je marchais. Puis il fallait pas que personne fasse interférence. Même toi. Puis je te sentais. Là, de là, je parle. Ça, là, c'est une frustration, là, pour moi, là, qui est faible. Mais t'as ça baissé, là. Quand j'ai dit, là, un instant, je m'attends, qui je suis, moi, vous allez me parler. Et je parlais, là, je me suis dit, mais je parlais. Et beau, ça. Puis il y avait le soleil, là, à côté, puis je m'en vais vers le soleil. Puis vous allez me parler du soleil, on va-tu l'avoir plus tard? Puis dites-moi ça, puis c'est de suite. Pas de niaisage. Oh, beau, vous dites ce que j'aurais pensé dans les murs, là. Ça y pensait? Je t'aurais pas pensé, je pense pas là. Pas de temps. Mais c'est pas rien, ça. C'est bon. C'est pas ça. J'ai compris beaucoup d'après ça. Ça veut dire baissé. J'ai revenu. Ça m'a changé ça. Ça, là, j'en vibre, là. J'ai un feu, là, là. Ça, c'est une autre affaire que je m'étais sentie. C'est bon, tu sais, je sens l'esprit. Puis là, nous autres, je suis fainéant. Par toi, là, un dimanche, un jour, j'étais assis là. J'étais tellement, ben, toi, t'es dans l'absolu. Puis pour pouvoir dire ce que j'ai besoin, ils sont obligés de passer par toi, parce que ça, tout le monde ne peut comprendre. Après, quelqu'un, mais ça passe, la transfusion, ça passe par ta bouche. Puis mon esprit, là, il a cherché partout les moyens de faire comprendre qu'il était là. Allez, essayez, là. Une frustration énorme. Voilà, la barre, quand je disais le plafond, que je verrais de l'œil, ça m'empleure des chaises pour me rendre là. Il me fait rien que je t'ennuie. Mais ça me prend pas la tête d'être une chaise pour me dire. Je suis nue. J'ai vu. C'est pour ça que je suis vraiment en colère, les gens se sentent. À un moment donné, t'as l'impression que ton âme s'ouvre, là, que tu prends un paquet d'âme. Parce qu'ils ont tué l'énergie de l'interférent. C'est comme. Pour tes parents. C'est ça. Ils t'ont libéré. C'est ça. Sans libération. Après une colère, là, l'âme descend un petit peu plus bas. Ouais. Viens te rejoindre, là. Apaise-toi. Tu la sens. La frustration, c'est comme, d'abord, la frustration en nous autres, ça agit au niveau de notre électrique. Ça agit au niveau de notre cerveau, ça agit au niveau de la colonne vertébrale. Ça agit dans la partie de nous-mêmes qui est la plus électrifiée. Quand t'es frustré, t'es électrique. Plus tu souffres de frustration, surtout quand tu souffres de frustration vibratoirement, tu deviens plus électrique. C'est ça que les gens de misère à c'est ça qu'éventuellement, c'est ça. Parce que plus tu deviens électrique, plus tu deviens sensible, plus tu deviens, tu perçois, plus tu vois. Tu deviens comme un chat, là. Hot tin roof. Puis avec le temps, c'est pour ça qu'il faut que ça prenne un certain temps. Le travail de l'âme dans l'ego par la frustration, parce que l'énergie est tellement grande que si le corps astral n'est pas changé, que vous n'êtes pas mental, à ce moment-là, l'énergie, quand elle va descendre, vous allez faire sauter tout. C'est un court-circuit. Tu fais sauter tout. Quelqu'un a moindrement de mauvaise vibration, puis t'as faim, puis tu sautes. Tu peux pas faire ça. Tu peux pas t'attendre à ce que le monde voit comme tu vois, sente comme tu sens. Comprennent comme tu comprends. C'est tes affaires à toi, c'est pas les affaires du monde. Comme, sans ça, les gens les plus conscients n'auront aucun respect pour l'homme, n'auront aucun respect pour la vie. Ça serait totalement une déformation de la conscience. Toi, change, mais n'oblige pas le monde à changer. Exactement. Toi, change, mais n'oblige pas le monde autour de toi. Mais c'est frustrant au début. Parce qu'au début, t'as encore du corps de désir. Le corps de désir est encore spirituel. Tu veux dire à tout le monde que tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Mais c'est là que tu dois être patient. Pis c'est là que tu développes la patience, puis éventuellement que tu t'aperçois qu'il y a personne de beau, puis y a personne de gentil. Mais tout le monde est fin. Tout le monde est beau. Tout le monde sera beau. Mais tout le monde est fin, tout le monde doit être respecté. Les gens les plus simples, les gens les plus ignorants doivent être respectés dans leur vie au moins. Comme ça, il n'y a pas de mal. Pas de terroriste. C'est pour ça qu'on dit qu'il n'y a pas de hasard, parce que c'est l'âme qui te fait agir. C'est toujours l'âme. Tout le temps l'âme. Tu ne perds pas sans qu'elle soit là. C'est toujours l'âme. Je veux dire, tu l'as pas. L'âme, c'est l'énergie qui se distribue dans tous les corps, qui alimente tous les corps. Quand ça se tire, cette affaire-là, il ne reste plus rien. T'as du phosphate. Mais l'ego ne réalise pas, puis il ne réalise pas la présence de l'âme. C'est pour ça qu'il souffre dans la vie à un point tel que la frustration devient pour lui une affaire de tous les jours, pendant des années de temps. Puis les hommes souffrent de frustrations différentes des femmes. La frustration de la femme est très souvent émotive, très souvent sexuelle. La frustration de l'homme est très souvent sexuelle, mais elle est aussi très souvent mentale, d'ordre intellectuel. L'homme, c'est dans son intellect qu'il s'en frustre, dans sa capacité de construire, de faire quelque chose. De faire quelque chose qui a de la valeur. Dans ce que la femme, c'est pas au niveau de faire quelque chose qui a de la valeur. Sa frustration. C'est dans ses rapports sentimentaux avec la vie qu'elle souffre le plus. C'est-tu culturel, ça? C'est pas culturel. C'est totalement psychique. Les gens s'imaginent que c'est la culture qui forme l'homme, qui forme la femme. C'est pas la culture qui forme l'homme, qui forme la femme. Ça, c'est une hypothèse sociologique, ça. C'est de la grosse broue, ça. C'est l'homme pis la femme qui forment la culture. Qui donne la culture sa couleur. Ah, malade, c'est ça, là. On avait du monde qui pense croche, comme du monde, là. Frère, pas de mieux. Le mieux remplir les choses. Scott Kennedy qui dit « Don't ask what you can do for your country. » Oh non, comment est-ce qu'il dit ça? « Don't ask what your country can do for you, ask what you can do for your country. » Ça, c'est du bullshit. Ça, c'est du socialisme. Je comprends son point de vue, d'un point de vue politique. On va dire, organisez-vous donc pour monter l'économie de votre peuple. Ça, je comprends ça. Mais un homme conscient ne peut pas parler de même, puisque tout part de l'individu, de l'ego, vers la société. Quand les égos seront conscients, t'auras une société consciente automatique. Mais quand même, la société aura les plus grands plans, les plus grands idéaux, communistes ou capitalistes. Si l'ego n'est pas conscient, l'ego souffrira de l'idée. J'ai eu un rapport de Russie avant hier concernant l'état psychologique des masses en Russie. Ça va de mal en pire. Ça devrait être de mieux en mieux, apparemment. Ça va de mal en pire. La mortalité enfantine, ça grandit. Des gens meurent plus jeunes qu'ils devraient, que là 20 ans. Pas normal. Les autres, ils souffrent de frustration. La frustration, ça fait vieillir l'âme. Parce que ça embauche ses émotions, ça paralyse son mental. Puis culpabilise les deux. Qu'est-ce que tu fais quand tu te culpabilises? Tu te rapetisses. Puis rapetisse-toi mentalement, puis émotionnellement, mais éventuellement, tu ne restes plus rien. Puis ça arrête de te rapetisser, ben tu grandis. Mais les gens se rapetissent, puis ils se rapetissent. Fait que rendu à 60 ans, des petits, tu mesures longuement. Puis regarde les gars dans les asiles, pas dans les asiles, mais dans des maisons de vieux, là. 70 ans, 75 ans, c'est juste pas des philosophes. Pourquoi? Parce que... Ils pensent qu'ils valent plus rien. Puis ils pensent que la société veut pas d'eux autres. Ben, si tu penses que la société veut pas de toi, ben à ce moment-là, la société, tu vas en souffrir. Mais si tu t'en sacres, la société, qu'elle en veut de tout, qu'elle en veut pas de toi, à ce moment-là, tu vas grandir.

Quand t'arrives là, tu t'appelles. C'est comme, tu pourrais tout faire à Citadelle ou à, Chine. Avec une tension, une frustration vibratoire. Maudit, je dépense 4 000 piastres pour aller à Paris, puis j'arrive ici. C'est plat. Parce qu'ils peuvent te rendre plat. Que tu sois à Paris, ils peuvent te rendre ça bien plat. Comme si t'étais à côté de eux. Comme si t'étais chez vous, dans le gars. Ça peut être aussi bien. Ah, bloquer ton corps de désir. Fait que si tu le sais, tu te mets au nerd, puis t'attends avec la vibration, genre. Quand vous avez une frustration vibratoire, il n'y a rien à faire. Vous avez simplement à attendre que la vibration change, puis quand la vibration change, à ce moment-là, vous retournez dans votre assiette. Vous êtes correct. J'ai dit, ben quand tu décideras de me remettre. Tu viens me Parce que quand ça marche, c'est facile. Ça va. La frustration, t'es pas souvent être frustré du monde. C'est une tension du monde. Non, mais je veux dire, la frustration que tout le monde peut avoir, moi. Comme tu disais, tout le monde est sur le fait. Non, ça n'a rien à faire avec le karma, ça a rien à faire avec le fait que l'âme, au cours de son évolution dans l'ego, en relation avec l'ego, l'âme éventuellement fait toujours interférence avec l'ego pour toujours neutraliser son libre arbitre. L'âme veut toujours neutraliser, quelle est celle-là? L'âme veut toujours neutraliser le libre arbitre de l'ego qui est une illusion de l'ego. Et en neutralisant le nid d'arbitre de l'ego, mais c'est là que l'ego fait l'expérience de la frustration vibratoire et psychologique. L'âme, elle veut pas que l'ego runne le show. Elle veut, elle, runner le show. Mais l'ego, lui, à cause de son inconscience, il veut runner le show. Fait que l'âme, lui met des bois dans les roues tout le temps au cours de ta vie. Pis c'est là qu'on s'est arrivé. Elle rentre dans une autre vie, pis ça continue de même. Mm-hmm. Pis quand l'ego est assez évolué, là, pour qu'elle puisse rentrer en contact avec, ben, c'est à ce moment-là que le temps est venu pour que l'âme fasse connaître à l'ego pis c'est qui se passe. Quand il y a un blocage comme ça au niveau de la créativité, des fois, on s'imaginait qu'on manquait de volonté. Quand t'es assis au bout de la table, là, comme madame dit avec un café, là, t'as quoi? Ça te tente plus, là, t'as plus de créativité. Là, tu dis, coudonc, c'est-tu ma volonté? Qu'est-ce que c'est qui se passe? C'est là le jeu, là, qu'on s'imagine, c'est la volonté. C'est pas la volonté. C'est pas la volonté. Ce que je vous disais à un séminaire. Ouais. Ceux qui pensent qu'ils sont paresseux, c'est une illusion de l'ego. Mm-hmm. Quand je disais, vous en arrivez un jour à pas avoir des qualités et pas avoir des défauts. Vous commencez à comprendre ça, pas avoir des qualités et pas avoir des défauts. C'est ça. Parce que quand t'as des qualités et des défauts, tu joues dans le jeu de l'ego. Tu culpabilises. Ouais. C'est pas pour rien que je disais. Faut que vous en arriviez à pas avoir des qualités et pas avoir des défauts. C'est une trappe de l'ego, ça. Là, t'es pas sur le bord de la terre pendant 2 heures, tu te penses paresseux. Ben oui. Tu te penses que t'as pas de volonté, tu te diminues en gros. Ça, ça va loin, parce que ce qui arrive, tu regardes les hommes qui travaillent dans l'industrie, les vendeurs, les gars qui travaillent sous pression. 40, 45 ans, qu'est-ce qui arrive? Le gars, il claque. Pourquoi? Parce que pendant des années de temps, il a vécu un rythme qui était déterminé par son corps de désir et non déterminé par sa relation avec l'âme. L'âme, elle a dit, oh, prends un break, prends une semaine off, va pas travailler demain matin, reste chez vous, appelle au bureau, dis-leur que t'es malade. L'ego veut pas ça, il va parler de ma job, le boss va dire que c'est qui se passe, j'aurai pas ma commission, il se blesse. C'est ça qui se produit dans la société. Pourquoi? Parce que les gens suivent pas les dictées internes, ils suivent les impressions et les pressions externes. C'est une pulsation que l'âme. C'est une pulsation de l'âme. En somme, là, c'est comme si elle t'envoyait une idée, là, bon, fais ça demain, bon, va pas travailler. Alors, c'est une pulsation. Regarde bien une chose. La liaison avec l'âme pis l'ego est tellement forte, pis l'ego c'est tellement peu, qu'il dit que chaque fois que vous êtes supposé de faire quelque chose, chaque fois que vous êtes supposé de faire quelque chose, pis que vous le faites pas, ou chaque fois que vous faites pas quelque chose pis vous êtes supposé de faire, c'est l'opposé qui est la bonne réponse. Comprenez-vous, je veux dire? Bon, supposons que moi je travaille à l'hôpital, pis là, demain matin, j'ai pas le goût de me lever. Je l'ai pas. Je me force d'y aller. Ce que je devrais faire, c'est de pas y aller. Mais, qu'est-ce qui arrive? Si t'es à l'écoute d'eux autres éventuellement, pis ton ego est assez libéré du corps astral, du corps de désir, éventuellement ton ego va trouver un autre job. Ou il va avoir plus de liberté suivant sa santé. Mais il dit qu'on va toujours contre. Toujours contre, me trompe. Tout le temps, contre. On ruine notre santé. C'est ça. Puis on se rationalise. Je parle de ma job, j'ai une famille à faire vivre. Puis tout ça, tout le sein. Ça va loin. Il dit que ça va dans les fibres même de notre existence. On se force tout le temps. Puis on doit jamais se forcer. On nous a appris à nous forcer. Ah, ça a été dans l'éducation. Ça, ça fait partie de l'éducation. Ah oui. Ah, forcer, le devoir. On nous a obligé de le devoir. Le devoir d'État, le titre. Ouais, le devoir. Ce qu'il doit faire aujourd'hui. Le devoir. L'éducation. Besoin de faire plaisir aux jeunes. Mais là, il dit, surtout pour les jeunes, il dit, comprenez pas ça psychologiquement, ce que je vous dis. C'est lié intérieurement. Parce que si vous comprenez psychologiquement, ou si vous essayez de comprendre psychologiquement, vous allez déduire de ça que c'est comme ça qu'il faut agir. Comme ton frère qui a l'idée, qui dit qu'il ira pas à l'université comme ingénieur parce que dans 20 ans, tout va sauter, tu sais. Travaille aujourd'hui. Faut pas interpréter ce que je dis, faut sentir. Quand tu sens, mais à ce moment-là, t'arrives dans une situation de vie où t'as le goût de rester en libre le matin, mais au moins tu te culpabilises pas, tu restes en libre, sauf ta santé. Tu conserves ton énergie. Interprétez pas ce que je veux dire, parce que je veux pas dire que c'est pas bon le devoir. C'est une qualité de l'ego, le devoir. C'est lié à la responsabilité. Mais il faut que le devoir soit le devoir, et non le pouvoir d'une structure sur ta vie. C'est plus du devoir, ça, c'est plus l'esclavage. Ouais. Quand le devoir devient de l'esclavage de la société sur toi, c'est plus du devoir. Tu dois plus rien à ce moment. Si tu continues, mais tu vas te rentrer en fausse. Pour que le devoir soit ce qu'on a à faire. Hein? Faut que le devoir soit ce qu'on a à faire. Faut que le devoir coïncide avec ce qu'on aime faire. Ben oui, pas ce qu'on a. Au niveau de l'inconscient, parce que le devoir, ça n'existe pas quand t'es conscient. Mais quand t'es inconscient, faut que le devoir coïncide avec ce que t'aimes faire. Puis à ce moment-là, c'est bon. Et si le devoir ne coïncide pas avec ce que tu aimes faire, c'est plus du devoir. C'est d'esclavage. Tu ruines ta santé. Il n'y en a pas beaucoup qui ont la bonne job. C'est la surprise. Mmh. Mmh. S'il n'y a pas beaucoup de monde qui ont la bonne job, c'est la surprise. Ben, y en a, parce qu'on en rencontre des gens, on s'aperçoit, puis nous autres, on interprète ça comme ça, on dit, gardons s'il est dans son élément. On avait fait le même. Là. Tu peux vendre les pots. Ben, tu peux vendre les pots, mais ça peut arriver qu'il ne soit pas. D'accord. Faut. Il dit qu'il faut qu'on voie la vie sous tous ses angles. Parce que toute la vie est à l'envers. C'est sûr? Tout. C'est à l'envers. Nous a été dit. Pas 95%, 100% à l'envers. Quand tu réalises que la vie est 100% à l'envers, tu commences à réaliser que la vie est à l'envers. Pis c'est quand tu commences à le réaliser, ça, pis tu passes à travers la vibration frustrante, là, t'en sors de ça, tu peux plus vivre, comment? Moi, il y a un étranger, quoi, qui me dit, il dit, qu'est-ce que vous faites, monsieur, dans la vie? Oh, j'ai dit, j'écris des livres, ben, je te donne des raisons. J'ai dit, j'écris des livres, des fois, je me mets de mon monde donné à la télévision. Mais il dit, qu'est-ce que vous faites? Oh, j'ai dit, je m'intéresse à la psychologie. C'est pas par la psychologie. C'est la psychologie. Puis, ils évoquent BRP. Moi, j'ai dit, je travaille tu travailles pas bien, là. Puis tu travailles 7 jours par mois. 7 jours par mois? Comment faites votre baby? Oh, je vis. 7 jours par mois, je vis. J'ai dit, ouais. Il dit, vous devez pas vivre bien grassement. Je dis, vous seriez surpris. Je pourrais peut-être vous acheter tout de suite. Ça lui a donné un choc. J'ai fait exprès parce que l'homme, cet homme-là, c'est un gars qui se démerde. Il se brûle. Mm-hmm. Puis sa santé est pas forte. Puis il est pogné les deux pieds dans le devoir. Deux pieds dans le devoir. Puis quand il est parti, il dit, ouais, il dit, vous êtes chanceux, vous. Ouais, ouais. Chanceux. Même temps, ah, ça revient à l'expression, Bernard, s'écouter. S'écouter. Puis avant, on disait, écoute-toi pas, lève-toi, ouais. Puis vas-y travailler. Ben, écoute bien ça. Il dit que pour s'écouter, il faut être très intelligent. C'est ça. D'abord. Deuxièmement, il ne faut pas avoir peur de soi-même. Puis troisièmement, il ne faut pas avoir peur de s'écouter. C'est ça. Parce que si t'es pas intelligent, à ce moment-là, tu vas avoir des doutes, tu t'écoutes. Si t'as peur de t'écouter, mais tu vas avoir peur de tes tendances. C'était quoi l'autre? Pas avoir peur de s'écouter. Si t'as peur de t'écouter, tu t'écouteras pas. C'est là que tu vas t'immobiliser, puis tu vas t'imaginer, c'est de la paresse aussi. Pas nécessairement. Tu vas faire de l'overtime, tu vas travailler 40 heures par jour, faire des euros basses. Et vu le boss met le pied dans l'arrière et dit ouais, on ferme la compagnie, on n'a pas eu de souffrance sur les bananes. Exactement. Vous donnez une belle montre. Mon grand-père a travaillé pour du frère, oui, je pense, pendant 50 ans. Deux montres. Ils ont donné une montre. J'avais content de payer. Ils m'ont dressé la montre. C'était marqué 50 ans. Je comprends, monsieur Boucher. C'était Boucher? Blond. Mon grand-père. Moi, il y en avait, monsieur Boucher, aussi, tu peux faire. Il a d'avoir. Faut le comprendre vibratoirement, ça, parce que si les gens ne comprennent pas vibratoirement toutes les choses, ils interprètent. Là, c'est pas bon. Regarde, non. Tu sais ton affaire, là, j'en viens encore à couture, moi, matin. Moi, je fais de bon. Hein? C'est deux exemples qu'on fait. J'ai. Je serais là, je l'ai posé une couture, ça. Hein? De trois fois, je m'en prends. Là, je t'en fais, je suis là, pas de mourir. Soit t'as des points, une conseil. Après, il se paraît plus. C'est pas pareil. Tout ce que je faisais là, c'était pas pareil. Il fallait que je raccourcisse un peu la jupe. Hein? La raccourcisse, c'est passé, ça faisait trop petit. Je l'avais pas essayé. Puis ils m'ont fait voir que du coup, pour rien, tu vas être obligé de le découdre parce qu'elle sera à propos. Là, j'ai repris leur façon, puis je l'ai fait. Ça, c'est ça. Mais je me forçais à faire quelque chose qui n'avait pas fité. Finalement, j'ai arrêté. Tu t'entêtais? J'ai arrêté, puis là, j'ai dit, ah, tiens, c'est ça. Là, j'ai raccourci, puis là, j'étais correct. Mon moulin est plus sauté, il est correct. Hey, qu'est-ce qu'elle fait, l'homme, quand l'ego fait pas de faire? Ça change le film dans la nuit? Non, il ne trouve pas de qualité là-dedans. Cherchez pas de qualité là-dedans. Si l'ego ne fait pas de colère, c'est parce que ça ne fait pas partie de son tempérament, c'est parce qu'il n'a pas assez souffert de l'âme. C'est une affaire de souffrance. Si tu souffres beaucoup de l'âme, tu vas faire de la colère. Si tu sens bien la vibration de l'âme. Si tu es spirituel, tu vas faire moins de colère. Que si t'es en dehors de la spiritualité. Comme lui, Michel, il n'est pas spirituel, il est plus apte à faire de la colère que vous. Moi, je suis pas spirituel, je suis plus apte à faire de la colère. Maurice, il commence à faire plus de colère. Seigneur. Être spirituel, c'est être dans l'ombre de la forme dont se sert l'ego pour se qualifier.